Bonjour Vincent. Bonjour Doris. Alors aujourd'hui c'est une chronique encore une fois sur un CD de Michael Ranta qui s'appelle Dimor. Alors, comme instrument, moi, en écoutant l'extrait, j'ai entendu du piano. Et alors, je trouvais que, en fait, les morceaux n'étaient pas vraiment archipéliens. Enfin, ils étaient encore vraiment comme de la musique. Est-ce que c'est de la musique minimaliste? Ça a certains liens avec la musique minimaliste, mais c'est vrai que Michael Ranta est percussionniste à la base. Et dans ce disque-là, il y a quelques autres instruments, mais c'est une pièce qu'il a composée pour une chorégraphie, je crois, dans les années, à la fin des années 70, il me semble. Et c'est une pièce qui est effectivement assez mélodique, qui utilise des instruments à percussion, mais avec des hauteurs de timbre assez claires. Et je pourrais dire que oui, Michael Ranta a été influencé par la musique minimaliste, mais par énormément d'autres esthétiques. Ce n'est pas à proprement parler de la musique minimale. Mais parce que j'ai fait un lien avec une de nos autres chroniques sur celle de Steve Reich. Et ça m'a fait un peu penser, il y a un morceau, notamment celui qui s'appelle Upsurge, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait un peu penser à Philip Glass. Et vu qu'on avait dit que Philip Glass c'était du minimalisme, mais j'ai pensé à ça. Et donc dans le morceau que j'ai bien aimé, c'était très répétitif, on aurait vraiment dit une boucle qui changeait petit à petit. Oui, mais Michael Ranta, comme Steve Reich d'ailleurs, ou Philip Glass, sont des gens qui sont inspirés par des musiques non européennes, non occidentales. Et dans le cas de Michael Ranta, c'était vraiment les musiques d'Extrême-Orient, les musiques du Japon, de la Chine, beaucoup liées à des instruments de percussion liés à ces différents pays. Et Michael Ranta est un compositeur qui est célèbre dans le monde de la musique classique contemporaine parce qu'il a ouvert un magasin de percussions d'instruments orientaux à la fin des années 70, au début des années 80 plutôt. Il a distribué des instruments à des tonnes de musiciens et de musiciennes depuis, notamment des gongs et des tam-tams et des choses qu'on trouvait difficilement en Europe, avec des instruments de très grande qualité. Et c'est quelqu'un qui est célèbre pour son expertise avec notamment les gongs de Chine. Alors, en écoutant les morceaux, j'ai écouté les morceaux casque et je crois qu'il y avait une partie électronique. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ce son passait vraiment d'une oreille à l'autre, comme ça. Et c'était vraiment, le son, il voyageait. Oui, Michael Ranta, c'est aussi quelqu'un qui, dès la fin des années 60, s'intéresse beaucoup à la musique concrète et à la musique électronique. Et il a fait énormément de pièces qu'on pourrait vraiment qualifier de pièces de musique concrète, qui ont été beaucoup rééditées ces dernières années par un label belge qui s'appelle Metaphone. Mais Michael Ranta est aussi un compositeur de pièces instrumentales, dont certaines seront jouées samedi au Festival Archipel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à promouvoir sa propre musique, malgré le fait qu'il ait beaucoup, beaucoup composé. Il a fait comme on disait, des pièces électroacoustiques, mais aussi des pièces instrumentales. Et il est spécifiquement connu, Michael Ranta, comme interprète. C'est-à-dire qu'il a, très jeune, commencé à jouer dans des orchestres, à jouer dans des ensembles de diverses tailles, et c'était vraiment son travail professionnel, son activité professionnelle. Mais il est célèbre aussi pour avoir collaboré de manière très très proche avec beaucoup de compositeurs célèbres européens et américains, notamment Harry Partch, Stockhausen, aussi des gens en Asie comme Toru Takemitsu, un célèbre compositeur japonais. des gens en Allemagne aussi, comme Helmut Lachenmann et différents compositeurs. Et c'est quelqu'un qui a une certaine humilité, qui s'était vraiment mis en retrait par rapport à sa propre activité de compositeur. Et c'est vrai que depuis quelques années, sa musique commence à être éditée pour la première fois. C'était des bandes qu'il avait chez lui et qui ne comptaient pas forcément... publié et il a fallu le travail de quelques individus pour pouvoir les numériser et enfin les éditer sur disque. Et depuis lors, on commence à découvrir un compositeur vraiment intéressant avec une approche tout à fait unique. Et il est pourtant très âgé, il a passé les 80 ans et c'est marrant cette espèce de reconnaissance très tardive dont il bénéficie. Et alors, tu parles de musique concrète, mais qu'est-ce que ça veut dire, la musique concrète ? Ouais, la musique concrète, c'est une esthétique musicale, une école, si on veut, qui a émergé à la fin des années 40 en France via un duo, via Pierre Schaeffer, qui est le père de la musique concrète, et Pierre Henry, qui est un peu le deuxième pilier de la musique concrète. Et la musique concrète, c'est... d'après le terme du compositeur Michel Chillon, c'est l'art des sons fixés, c'est-à-dire que c'est une musique qui se compose uniquement à travers des enregistrements. Ça peut être des enregistrements de n'importe quoi, ça peut être des enregistrements d'un trousseau de clés ou d'un ordinateur qui tombe par terre, ou de ce que tu veux, ça peut être des sons électroniques et qui sont mixés les uns avec les autres pour créer une esthétique qui s'oppose, si on veut, à la musique interprétée avec des instruments dans une pièce. Et à l'époque, c'était ça, en fait, le grand débat, c'était de créer quelque chose à partir du matériau qui était capté sur des magnétophones à bandes. Et la musique concrète, c'est l'émergence d'une musique spécifique pour la bande magnétique. Merci Vincent. Merci Doris. Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org.